Oh, il est content, hein, faire son petit tour avec son papa. Vous êtes en osmose avec votre compagnon à quatre pattes, mais vous avez parfois l'impression qu'il ne vous comprend pas complètement. Viens ici, Jean-Pierre. Non, laisse la dame tranquille. C'est pas un lampadaire. C'est normal. Même s'il est le meilleur ami de l'homme, il ne parle pas la même langue que vous. Non, Jean-Pierre, on fait pas pipi sur la dame. Canine Institute, le numéro 1 des cours de langue canine, a développé une méthode unique garantie 97% de réussite. Ouf. Non, Jessica, l'accent tonique doit être mis sur le « ou », comme ça. Ouf. Non, repeat after me. Ouf, ouf. Caniche, Labrador, Rottweiler, Canine Institute, la première classe de langue canine diplômante, Bac plus 3. Ah oui, Jean-Pierre, tu as raison. Des notions de mandarin sont nécessaires pour intégrer la classe de Pékinois.